très organisé. Là pour prendre la vie dans des positions indécentes, mon ami. Si tu veux pas qu'on monte, faudra nous descendre, mon ami. 1, 3. Ni confiance en toi, ni en ma rétine. Tu sais bien, tu sais rien, pourquoi parler-t-il? J'ai la mort, j'ai le démon, paraît-il. C'est mon tour par le tien, je la tiens par les chiffres. Déjà été tué, et je sais par qui. Je tire dans le tas, comme si j'avais la parking. Si tu les comptes, je veux les peser, et par qui. Veux la caisse plus grande que la place de parking. Je suis ici, je suis là-bas, je suis la jeunesse en rêve. On veut tout, mon poteau, on est venu sans rien. Accroche-toi, car tout meurt si les couilles s'enrayent. On veut tout, mon poteau, dans ces coins sans règles. On en jette, on les jette, on veut tout avoir. Il trahit, on les jette, on veut rien savoir. Très fidèle, très dévoué, pas là pour la gloire. Y'a pour la soif, pour la swag et pour la soif. Puis qu'on est jeune, la guerre dans mon quartier. Je sais pas combien, mais je sais qu'on va tout claquer. Je tuerai des gens pour le temps des lunettes quartier. Personne n'est immortel, on va tous craquer. Égaré, mal barré, je peux plus réparer. J'ai laissé mon bon fond sur la bande d'arrêt. Je suis garé dans le carré, je bois des rats de marée. Rien en arrêt, je ne suis que ce que mon arrêt. J'ai pris le mic pour me soigner à 15 piges. À la base, on rappait pas pour être riche. En larmes, quand les frères nous faisaient le prêche. Face aux flics, personne faisait l'autruche. On affrontait nos torts comme des grands garçons. Pas de raisins secs dans le caleçon. On prenait exemple sur les anciens. Aujourd'hui, le respect, c'est un paillasson. Tout a changé, même pour manger. Des frères se shootent dans les tranchées. Les plus âgés sont ravagés. Et les petits ne savent que se calacher. Parents fauchés, amour fâché. Des cagoulés devant le guichet. Voilà pourquoi tous mes couplets sont des lettres à France comme Paul Narel. Moi je suis sorti du mur, personne me connaissait. Je rappais dans la Twingo, j'étais au quartier. C'était moi que tu voyais sur une roue. C'était moi qui sentais le parfum quartier. Dans les bras de Morphée, j'ai vu les petits morfler. Les chouettes ils font peur à 6h. Et les mamans, c'est pas de leur faute. Des qualités, des défauts. Mais trahis pas, si t'es mon frère, on va s'en vouloir comme des fous. J'ai tout donné, et ça m'en veut, de quoi frissonner. J'ai mis de côté mon côté émotionnel. Car y'a des choses qu'il faut pas cautionner. Tout a changé, c'est comme ça mon frangin. Personne n'a rien fait, pourquoi j'irai me venger? J'suis dans le rendu, j'gamberge chaud. Et quand j'pense, ça fait mal de voir ton ami faire l'étranger. Tout a changé, tout le monde veut manger. À dire que même des darons se balade charger. Retiens bien le message. Quand t'as pas pied, faut pas nager. Les potos, la rue, les potos, c'est trop chaud la rue. Les condés prennent des photos, est-ce que tu m'as vu? Le futur, un loto, les petits vendent de la coco. Les frères meurent en moto, j'étais dans ma bulle. J'avais pas un euro, j'suis dans le PMU. Demande à nono, j'me lâche quand j'ai bu. J'me mets à nu, j'pense à ma mère quand j'regarde la lune. Si tu savais, hey ma, rien n'a changé, hey ma. Y'a trop de jaloux, hey ma. Ils font que parler, hey ma. Si tu savais, hey ma, rien n'a changé, hey ma. J'reviens de loin, hey ma. J'ai rien oublié, génération veut des billets. Mes billets nous mènent dans le corbillard. Ouais tout a changé, même si moi-même j'ai pas changé. On s'est jamais plaint dans le brouillard. J'peux pas éponger, une vie noyée dans les soucis. On était jeunes et insouciants, pas encore soucieux. 2020 ça part en sucette. J'ai cuisiné sans la recette, donc j'connais les enjeux. Avec rien on faisait un, et avec un on faisait tout. Et maintenant même si tu leur donnes 100, ils font plus rien. Et maman avec, ça se mène de tout. Donc j'peux pas oublier, sans être outillé. On a marqué la tête, on l'a fait briller. Tout le monde a brillé, maintenant ça cherche à s'envoler vers le ciel avec des. Y'avait des rires, des larmes, hiver, été. Rappel de souvenirs, donc je pleure sous la verse. Le ventre ouvert, cœur déchiré. Passé dans mixeur, le reste en PLS. Époque accidentée, sentiments sur trottoir. L'histoire ne m'écrit pas, moi j'écris mon histoire. Repense à tous mes torts, mais y'a zéro mystère. On commence comme des potes, on finit adversaire. À la base y'avait pas d'avenir. Tout a changé. À la base y'avait pas d'avenir. Tout a changé. Tout a changé. Tout a changé. Tout a changé. Tout a changé. Tout a changé. Tout a changé. Tout a changé. Tout a changé. Oh, atterri au monde dans cette ville. Dans les années 90, Marseille, F-E-L-I-X. Dieu m'a créé pour pas que je traîne dans le bendo. Ma mère me pensait très nia. Attiré par le mensonge, je l'ai nié. Dans la cité, j'ai l'astiqué les billets. Pour pas que tu fasses le ménage et tu te casses le dos. Le dos, faut que je sors ma tête de l'eau. Je savais que c'était pas dans le bendo que j'allais faire des lows. Oh maman souris, là je sors de toutes ces conneries. Ma femme, mes gosses et j'esquive. La tolle, la drogue, les jolles, les flingues, les boum boum et les perquises. Là je sors de toutes ces conneries. J'taffe, j'taffe, j'taffe, j'écris. J'veux que mon gosse voit que je brille. Qu'à l'école ça lui dise ton daron c'est un monstre. Quand il débite c'est la folie. Folie, folie. Regarde la vie qu'on mène. J'ai changé mon domaine. Ma haine, ma peine dans mes veines. J'prends tout, j'taille aux Seychelles. Tout a changé, tant de faux sourires. Propre sur moi, j'vais les pourrir. J'marche pas au pas, j'les fais courir. Si je t'aime vraiment, prêt à te couvrir. Jamais je mordrai la main qui veut me nourrir. À deux meilleurs lendemains, pas peur de mourir. La vie d'avant n'est que souvenir. Je peux plus m'ouvrir, veux plus souffrir. Voilà du bon pour les tympans. Cœur bas au BPM du tempo. Entends-tu les cris sous les pimpans? Je suis un droit, l'honneur du drapeau. Tout a changé dès l'arrivée des armes. Dans mon temps on faisait des têtes puis des fêtes. On sait même plus la destination des armes. Maintenant l'adversaire n'accepte plus aucune défaite. Il y a les hommes de paix, les forts puis les faibles. La jalousie plane, la rancœur la précède. Le déshonneur est là, on tient la baraque. Pendant que le respect ben lui fait la vaisselle. Ne cherche pas la merde à ton gars le plus sage. Des concours de bite du plus con au plus sage. Tu trouveras ta dignité au fond du sac. Ne ramène pas ta rue, j'ai mon droit de cuissage. La vie m'a pas fait de cadeau, débrouillard j'ai dû trimer. Tout seul j'ai dû faire un garon, telle est ma destinée. Bon, y'a que Dieu qui m'épaule. J'ai vu des horreurs, plus rien ne m'étonne. Non, j'ai pas changé de fusil d'épaule. Sauf que tout a changé depuis l'école. J'ai fait la guerre pour trouver la paix. Chasser mes démons et faire le point. Je laissais le goût en mer de mon passé. J'ai dû couper les ponts et voir au loin. J'entends les coups de feu qui résonnent. La rue fabriquée détruit des hommes. On avait tous un rêve quand on était mort. Depuis tout a changé, chacun ses raisons. T'as vu les traces dans l'auto? Ça c'est les coups de couteau. Sur le même océan, mais pas sur le même bateau. Aujourd'hui ça donne des gants, plus de sentiments pour le poteau. Hier on était innocents, ensemble sur la photo. À la base y'avait pas d'avenir. Tout a changé. À la base y'avait pas d'avenir. Tout a changé. Thank you.